Le 10 juin 2019, le média Web TV proche de la France Insoumise diffusait un entretien avec le militant confusionniste Étienne Chouard. Ce dernier s'est fait connaître en 2005 lors de la campagne pour le non au référendum sur le traité constitutionnel européen. Denis Robert, directeur de rédaction du média, qui avait lui connu une certaine notoriété pour avoir dévoilé, dans deux bouquins, l'affaire d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent Clearstream en 2001, avait pensé bon d'inviter Chouard aux côtés de personnalités politiques de gauche. Pas mal de ces dernières, en apprenant la présence de celui-ci, se sont décommandées. Des militants et militantes antifascistes ont également tenté de dissuader Denis Robert d'inviter Chouard à s'exprimer. En vain, puisqu'il a fini par décider de réaliser un entretien avec lui, en présence de Mathias Enthoven, chargé des réseaux sociaux aux médias. Compétence dont il avait aussi fait profiter le candidat Mélenchon lors des élections présidentielles de 2012 et 2017. L'idée pour les journalistes est donc de faire le point avec Chouard, le questionner sur ce qui lui est reproché par les militants et les militantes de gauche. Je me suis d'abord dit, encore une tribune pour le confusionnisme. Dans le contexte de dépolitisation de plus en plus prégnant, on n'a vraiment pas besoin de ça. Mais ça m'a permis de faire le point sur qui est Chouard, quelles sont ses idées et de réaliser à quel point son discours et sa démarche sont toxiques et même dangereux. Je vous prépare depuis un moment un cycle de chroniques sur les confusionnistes, où il sera d'abord question de l'UPR, puis de Chouard, et enfin du soralien Charles Robin. Ça sortira un jour, c'est promis. En attendant, voici déjà de quoi alimenter, un peu à chaud, la réflexion sur ces courants. Le ton de l'interview, qui dure un peu plus d'une heure, est très complaisant. Robert semble avoir sympathisé avec Chouard. Le tutoiement entre eux est de mise. Enthoven, le plus jeune des trois, doit lui faire face à un certain paternalisme de la part de Chouard. J'ai découpé et zappé certains moments que j'ai trouvé peu signifiants et les redites. Le décor est planté, commençons donc. Mathias et moi, on va t'interroger, on va te montrer des vidéos et on va essayer de tirer ça au clair. Et s'il y a des ambiguïtés, ben, on dira qu'il y a des ambiguïtés chez toi. Si on n'a pas, levons ces ambiguïtés et essayons de résumer ce parcours. Quoi. Donc voilà, c'est un peu l'idée de... C'est gentil de me laisser me défendre. C'est vraiment ça. Déjà ça, c'est rare, je peux te dire. Mais c'est simplement essayer de faire du journalisme. C'est dans, je ne sais pas ce que tu en penses, Mathias, mais ces antifas, quand je leur propose, même la rencontre, ils la refusent. Quoi. C'est quand même ça qui est… Ils pourraient être à deux ou trois contre moi s'ils veulent, s'ils ont peur de… C'est même pas contre, c'est essayer d'aller au bout. Donc. C'est même pas une question de peur, c'est une question de positionnement. Ils considèrent qu'on ne parle pas et qu'on ne donne pas la parole à ces gens-là, et en leur parlant, on leur donne la parole. Et je pense qu'il y a ce parti pris-là. Moi, c'est pas un parti pris avec lequel je suis d'accord, mais c'est un parti pris. Voilà. Mmh. Après, est-ce que ce parti pris a permis aux idées fascistes d'être réellement combattues, et est-ce que ça leur a pas donné un espace pour s'exprimer car on refusait de faire de la confrontation? C'est une autre discussion qu'on pourra avoir. Mais oui, tout à fait, ayons cette discussion entre personnes souhaitant stopper la progression du fascisme, au lieu de débattre avec les fachos sur le terrain des problématiques qu'ils mettent en avant, ou au lieu de sombrer dans le relativisme du tout se vaut et du confusionnisme. Et en parlant de bilan, on peut effectivement se questionner sur quelle stratégie a été adoptée par la sphère médiatique depuis 20 ans. Est-ce le positionnement politique des antifascistes qui a prévalu ? Ou est-ce plutôt une dédiabolisation qui a hissé le Front National, en particulier, au rang de contradicteur acceptable? Pour quel résultat? Je veux bien qu'on fasse un bilan de l'antifascisme radical, mais force est de constater que c'est un positionnement très peu appliqué. À cause de cela, on doit se coltiner à longueur d'année des discours fascistes, réactionnaires, racistes et anti-immigration qui sont de plus en plus intégrés par la population et les politiciens de pratiquement tous les bords, de la France insoumise aux républicains. Ceci étant, je peux comprendre la critique qu'on te fait d'être confusionniste, ou en tout cas confus, sur le soutien, sur des propos que tu as tenus, peut-être qui ont été sortis de leur contexte ou pas, mais il y a les choses qui reviennent tout le temps dans les reproches qu'on te fait, c'est le soutien que tu as pu donner, ou que peut-être tu donnes toujours, à Égalité et Réconciliation, à Soral, ou sur un certain nombre de vidéos. Alors, il y a cette vidéo qui revient tout le temps, qui est la vidéo où tu es devant un chalet. Si vous trouvez que chez Soral, il y a quelque chose de dangereux, et qu'en même temps, Soral, il est un résistant à la guerre, il dénonce les manipulations qui nous conduisent à des guerres, il dénonce la mainmise de la banque sur les médias, il dénonce le côté va-t-en-guerre de nos médias et de nos gouvernements, il dénonce la duplicité des politiques, Ben, je suis désolé, il y a plein de choses intéressantes. Il dénonce le colonialisme guerrier du sionisme. Mais si Soral dénonce les guerres, les banques et le sionisme, n'est-ce pas plutôt une vieille rengaine complotiste et antisémite qui présente les juifs comme une force de l'ombre derrière les guerres, les banques et les médias ? Chouard a-t-il bien vu les vidéos fleuves de Soral où des bips remplacent systématiquement les occurrences évidentes du mot « juif », se posant ainsi comme victime d'une communauté toute puissante dotée d'un pouvoir de censure ? En vérité, Soral ne résiste à rien, il se fait juste le perpétuateur d'un antisémitisme traditionnel, celui qui a déclenché l'affaire Dreyfus, l'Holocauste, les meurtres antisémites qui sont perpétrés régulièrement, comme en 2006 contre Ilan Halimi, celui de Mireille Knoll en 2017, la tuerie de Toulouse en 2012, l'hypercacher en 2015 et j'en passe. Si le monde est quelque peu chatouilleux face à ces actes, c'est bien parce que le génocide des juifs par les nazis est passé par là. Ça n'en fait pas une communauté surprotégée, mais bien plutôt une réaction saine qu'on aimerait voir appliquée aux Roms, aux musulmans, ou aux minorités sexuelles ou de genre. Soral explique et démontre, et il se trompe peut-être, ben, il faudra démontrer qu'il se trompe, voilà. Mais il explique en long, en large, en travers que le sionisme est un projet colonial, raciste, militaire. Eh ben, je trouve ça intéressant, et il n'y en a pas beaucoup qui le disent comme il le dit. Eh ben, il faut qu'il fasse partie du débat. Il suffit pas de dire qu'il est raciste, fasciste, ça c'est juste pas convaincant. Enfin, on est convaincu par un argument pareil que si on n'est pas politisé et on a peur des gros mots, on dit bon, il est fasciste, donc ben, je m'éloigne, je vais penser à autre chose. Non, Soral ne dénonce pas Israël et sa politique, il est antisémite. Et c'est précisément parce qu'on a un minimum de culture politique qu'il est évident qu'il est fasciste. C'est un adepte d'un état policier, réactionnaire, du nationalisme, de l'interclassisme et du culte de l'autorité qu'il incarne dans son mouvement. L'accusation de fascisme relève de la conscience politique, pas de l'épouvantail ou de l'anathème facile. Encore une fois, Chouard ne cherche qu'à poser Soral en victime. Victime de qui ? La réponse est évidente à écouter Soral. Tu peux expliquer les circonstances de... C'était pendant une conférence atelier constituant, c'était à Poisy, près d'Annecy. Il y avait beaucoup de monde, c'est quelque chose comme 400 personnes. On était entre la conférence, qui avait duré, je ne sais plus, 2 ou 3 heures, et puis les ateliers, qui allaient durer autant. On était en plein après-midi, et puis il y a un gars qui se pointe avec une caméra et qui me pose des questions, je réponds, quoi. Et il me branche sur Soral. Alors, j'ai commencé par lui dire, mais ce n'est pas mon sujet, Soral, j'en parle pas, hein, c'est vous qui en parlez. Et puis continue. Voilà, et... – Tu as le sentiment qu'il voulait te faire dire quelque chose ?– Oui. – Ah, nous y voilà. Ce n'est pas son sujet. Ce sera sa défense tout au long de l'interview. Il prétend lutter pour davantage de démocratie, pour un autre système politique. Mais prendre position sur les tenants d'une idéologie fortement antidémocratique ne serait pas son sujet, et on chercherait à le piéger en l'amenant sur ce terrain-là ? Et si tu veux, moi pendant des années, j'avais mis un lien vers mon site, un lien sur mon site vers Soral, étant tombé dessus et ayant trouvé des trucs intéressants dans ce qu'il disait. Tu tombes dessus par hasard, Soral ? Oui, oh, je me souviens plus de comment j'étais tombé dessus, mais oui, par hasard. C'est en fait, depuis 2005, je lis énormément, quoi. Hein. Je lis des livres, mais je regarde les documents, je regarde des vidéos, je cherche. C'est un énorme chantier que je mène depuis 2005. Et déjà en 2014, ça faisait déjà 10 ans, donc il y a... Mais quand j'ai mis le lien, ça faisait, je pense, déjà au moins 5 ans. Et j'avais déjà des milliers de liens. Donc c'est des liens de gauche et de droite, hein, bien sûr, parce que moi j'ai pris le pli politique pendant le débat en 2005 contre le traité constitutionnel européen. Et pour ou contre le oui, le non au traité constitutionnel, il y avait des noms de gauche et des noms de droite. Et moi, dès le début, le pli que j'ai pris et mon document qui a tant tourné, je l'ai alimenté en arguments que j'ai trouvés à gauche et à droite. Et il y a plein de gens de droite, alors moi je me suis aperçu après qu'il y a des gens que j'ai cités expressément, explicitement dans mon texte, parce que c'était bien dit, la critique du système que nous refusions était bien faite, et je me suis aperçu après que c'est des gens d'extrême droite, enfin des gens de droite dure, quoi, mais qui avaient formulé une très bonne critique. Ok, il ne savait pas en 2005 que Soral était de droite dure, entre guillemets. Depuis, il a bien pu se rendre compte de qui est le personnage. Notons quand même que Soral n'est pas nouveau dans l'espace médiatique. Il s'est tout d'abord illustré par des interventions télévisées. Il est issu d'une famille évoluant dans le milieu du cinéma. des interventions violemment antiféministes dès le début des années 90, puis par son film « Confession d'un dragueur » qui a été déprogrammé au bout d'une semaine. Il a déclaré par la suite, au sujet du milieu du spectacle, « J'ai été massacré par les deux cliques qui tiennent ce milieu, les PD et les Juifs. » Tout était déjà extrêmement clair. Quelques secondes de recherche sur Internet, en 2005 ça marchait déjà plutôt pas mal, auraient permis à Chouard de s'instruire. Celui-ci dit piocher des idées de tous les côtés. Mais quelle pertinence à choisir de citer des critiques du système parlementaire actuel venant de fascistes si ces idées s'inscrivent dans des projets violemment autoritaires? Si Le Pen dit que le ciel est bleu, doit-on la citer pour parler météo? Donc tu trouves normal de... Et donc je trouve normal de m'alimenter en idées partout. Partout, il y a des humains qui réfléchissent. Même si par ailleurs ces humains sont des royalistes, nazis. Non. Bah non, mais tu dis d'extrême droite. Il y a des, oui, mais d'extrême droite, il y a des identitaires, il y a des racialistes, il y a des suprémacistes blancs. Enfin, j'en sais rien. Oui, alors, tu vas jusque-là dans. Nazis, c'est quand même bidubou. Non, mais d'extrême droite. Les suprémacistes blancs, par exemple, ils sont pas loin de. Ouais, ils craignent. Ah, ok. Soral le fasciste, ça passe, mais les nazis craignent. Comment pose-t-il ses limites? On ne le saura pas. C'est une règle, une exception au principe qu'il vient d'énoncer, mais ça ne semble relever d'aucune logique. Il faut comprendre que je débarque de rien du tout. En 2005, je débarque, je n'ai pas de culture politique, pratiquement rien, quoi, comme les électeurs normaux. Et je bâtis un projet institutionnel alternatif. Et institutionnel, c'est-à-dire qu'il faut que ça concerne tout le monde. Donc il faut absolument que je comprenne tout le monde. Je suis un peu comme un enfant qui apprend à lire et qui doit tout découvrir, quoi. On me parle de trucs dont je connais rien, moi, encore aujourd'hui, évidemment. Bon, non, les électeurs normaux ne sont pas dénués de toute culture politique. Ils se présentent là comme un naïf, position bien pratique qui ne tient pas bien longtemps. Si en 15 ans de militantisme politique, il en est toujours à ne pas savoir reconnaître le fascisme quand il le rencontre, et qu'il prétend proposer un nouveau système démocratique, en faisant mine de ne rien savoir des grandes idéologies du XXe siècle, c'est qu'il y a quand même un gros souci. Il dit aussi que pour son projet politique, il veut prendre tout le monde en compte. Déjà, on touche à une vision, notamment très interclassiste. Et puis, quelle société veut-il bâtir en prenant en compte les positionnements de la gauche et de l'extrême droite réunis? Avant de, je voudrais que tu réagisses à la vidéo que tu viens de voir. Est-ce que en voyant ça, tu dis j'ai dit une connerie? Est-ce que tu te dis j'étais pas suffisamment informé, j'ai péché par naïveté, ou j'ai eu raison de dire ça et fuck? Non, il y a des, oui, il y a des, enfin, globalement, j'ai réécouté plein de fois cette vidéo quand je voyais le foin que ça faisait. Et je trouve rien qui soit. Alors, il faudrait peut-être me reprendre sur un point que j'ai pas remarqué, mais je. Mais vous vous êtes repris vous-même, parce que moi j'ai lu votre texte dans lequel cause commune dans lequel vous parlez de Soral et vous. Je peux le citer en quelques mots, mais vous dites je ne peux pas valider une parole pareille, froidement raciste, sexiste, autoritaire. Il y a un risque d'escalade des racismes. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert après. C'est une vidéo qui est sortie après. – Oui, mais alors ce que je trouve curieux, c'est que j'ai vu, par exemple, une vidéo de vous récente sur Spoutnik, dans laquelle vous revendiquez encore une fois que Soral est un résistant. – Bon, là, pas grand-chose à dire, à part qu'il a fait un rétropédalage quelques années après. Une évolution dont on peut douter de la sincérité, puisqu'elle a réitéré son soutien à Soral récemment. Mais je trouve que c'est factuel, ça. Ben oui, mais il résiste à des tas de trucs qui sont la même chose que nous. Alors moi, je veux bien discuter avec vous d'une thématique qui est-ce qui est factuel? Parce que moi, ce que je trouve qui est factuel à propos de Soral, c'est que c'est un raciste qui exploite le racisme pour gagner de l'argent sur Internet et qui profite de la posture de victime dans laquelle on l'a mise pour monétiser des vidéos et créer une sorte de merchandising et de business autour de ses idées. Il a créé sa petite secte qui s'appelle Égalité et Réconciliation, et aujourd'hui, ce mec travaille pour Alain Soral, tout comme Dieudonné travaille pour Dieudonné. Et du coup, je trouve que si on doit être factuel, moi c'est ça ce que je trouve factuel à propos de Soral. Je trouve pas que ce mec résiste. Je ne vois pas à quel moment ce mec résiste. Parce que résister en faisant des vidéos sur YouTube, dans laquelle il lit quasiment systématiquement tous les mots de l'humanité à la question juive, moi j'appelle pas ça de la résistance. Il résiste à des tas de trucs qui sont les mêmes choses que nous. Pourquoi? Parce qu'il est contre la démocratie libérale représentative? Mathias Enthoven lui décrit plutôt bien qui est Soral. S'il pouvait encore prétendre ne pas savoir, voilà qui est réglé. Impossible après ça de feindre l'ignorance. C'est un malentendu sur le mot résistance. Oui, mais si vous préférez résistance, pour moi, c'est les gens qui ont résisté à l'Allemagne nazie. C'est pas ça que je dis, moi. Oui, je parle pas de ça du tout. Si, parce que justement. Et ceci dit, l'exemple de la résistance nous montre des gens d'extrême gauche et d'extrême droite qui qui se mettent ensemble pour résister, pour pas mourir, quoi. Ah, alors là, on a une rengaine récurrente de l'extrême droite. On tombe carrément dans la pseudo-histoire. Non, les royalistes, qui, effectivement, ont combattu contre les nazis, et les résistants communistes n'ont pas lutté main dans la main. Ils se sont également battus entre eux. Et pour cause, une résistance de gauche au nazisme et au fascisme s'inscrit dans une lutte plus générale contre la société capitaliste, dont le nationalisme et les idéologies totalitaires d'extrême droite sont la réponse en temps de crise. En Yougoslavie, les royalistes ont été combattus et supplantés par Tito. En Grèce, ces conflits ont abouti à la guerre civile grecque après la Seconde Guerre mondiale. Si en France les choses n'ont pas été aussi claires, on ne peut prétendre qu'antifascistes et maurrassiens luttaient dans les mêmes réseaux. Si tu veux, comme je te disais au début, comme je suis né dans un moment de résistance au TCE, traité constitutionnel européen, traité pour une constitution pour l'Europe, en 2005, et ce que j'ai vécu, c'est le fait que nous avons gagné, mais la gauche et la droite. Nous avons gagné parce que nous étions ensemble, parce qu'on n'a pas fait attention à nos différences, on s'est mis ensemble et c'est nos noms qui se sont ajoutés qui ont été victorieux. Et ça, pour moi, c'est comme une règle supérieure, si tu veux. Quand je vois toutes les expériences d'Amérique latine avec ce slogan magnifique, le peuple uni ne peut pas perdre et le peuple désuni va perdre à tous les coups, c'est pas sans condition. Alors là, non, c'est pas possible. On ne peut pas comparer l'emploi du mot « peuple » qui, en France, sert à justifier toutes les idées nationalistes et interclassistes à celui qui, en effet, en Amérique latine, où il prend davantage, par ce slogan, un sens de prise de conscience d'une unité de classe. Quant à la campagne contre le TCE, il faut qu'on m'explique. En dehors des mouvances confusionnistes dont Chouard a contribué à l'essor, dans quel univers parallèle a-t-on vu le FN, le PCF et l'Alternative Libertaire créer une grande coalition pour militer contre ce traité ? Bon, après tout ça, ils nous répètent que les nazis, non, quand même, c'est trop caca. Je pense que le système de domination parlementaire, c'est comme ça que j'appelle le gouvernement représentatif, le système de domination parlementaire a deux ennemis. Il est considéré comme une escroquerie, comme un système dangereux de domination des pauvres par les riches, sur sa gauche et sur sa droite. Pour la gauche, il y a les démocrates ou les anarchistes. Pour moi, c'est très proche, les démocrates et les anarchistes. C'est des gens qui font confiance au peuple, qui pensent que le peuple peut s'autogérer et ne veulent pas de pouvoir, craignent les pouvoirs et imagine une société dans laquelle les pouvoirs vont avoir tout à craindre du peuple lui-même. Ça, c'est la critique par la gauche, mais qui conteste le système de domination. Les anarchistes contestent le système de domination parlementaire en disant que l'élection est une escroquerie. Une escroquerie, la République est du foutage de gueule, c'est les riches qui dirigent, ça donne le capitalisme. Donc ça, c'est critiqué par la gauche. Et le même système de domination parlementaire est contesté par sa droite, par des gens qui ne font pas confiance au peuple, qui ont plus confiance en un roi, un dieu, un duce, un führer, alors suivant les degrés, un caudillo, suivant les degrés de, alors j'allais dire de dinguerie, je ne veux pas être, c'est Hobbes quoi, hein, c'est Hobbes, c'est la famille de Hobbes, c'est des gens qui ont peur du peuple et qui pensent qu'il faut un état fort pour tenailler le peuple, sinon le peuple est brutal, le peuple est sauvage. Donc c'est des gens qui se méfient du peuple et qui veulent un système qui n'a rigoureusement rien à voir avec le projet démocratique ou anarchiste, si tu veux. Mais les deux contestent, donc tu as les fascistes ou les autoritaires et les démocrates, les anarchistes de l'autre, qui contestent tous les deux le système actuel de domination parlementaire. Et ses complices que sont les journalistes, les juristes, enfin tout le système qui va avec de domination. Bon, on note qu'en fait, il le sait ce qu'est le fascisme. Intéressant quand on sait qu'il a du mal à reconnaître dans Soral ce même fascisme. Il pose que ce refus commun du système de domination parlementaire, comme il dit, justifierait une lutte en commun. Mais est-il seulement possible de se battre ensemble, avec des autoritaires, contre un système parlementariste lui-même autoritaire ? Il y a comme un souci, là. Il dit aussi que, selon les anarchistes, l'État, sous sa forme actuelle, est au service des riches et du capitalisme. Mais les fascistes ne sont-ils pas également au service du capitalisme ? Nous avons en commun, les anarchistes et démocrates, comme moi, ont en commun avec les fascistes, les autoritaires, les royalistes, ceux qui ne font pas confiance en eux, nous avons en commun des arguments de la critique du gouvernement représentatif tel qu'il existe aujourd'hui. Les anarchistes comme moi, ouais, on y reviendra. Mais c'est pour un projet qui a rigoureusement rien à voir. Et on ne peut pas les confondre. Et quand on dit rouge-brun, c'est comme si c'était les mêmes. Mais c'est déconnant. Le mot rouge-brun, à mon avis, je peux me tromper, mais le mot rouge-brun a été inventé par les acteurs du système de domination parlementaire qui ne peuvent pas se défendre contre Chouard en disant « Écoutez pas Chouard, il est dangereux, c'est un démocrate. » tout le monde va se marier. Démocrate, tout le monde aime ça, je veux dire. Et donc, c'est compliqué d'argumenter, parce que là, on n'en a pas parlé, mais j'ai un argumentaire complet, je crois puissant, contre le système de domination parlementaire. Et c'est compliqué d'argumenter contre moi. Alors, c'est plus facile de dire Chouard et les fascistes de tout poil, c'est les mêmes, c'est rouge-brun, c'est la même clique qui conteste la République, qui conteste le système de domination, et donc ne l'écoutez pas, c'est un fasciste. Alors non, les rouges-bruns, ce n'est pas ça. C'est un qualificatif qui vient de l'antifascisme pour désigner les solidaristes, en France, les proches de Serge Ayoub, et les nationaux bolcheviques, une branche du nationalisme révolutionnaire, dont se réclamait Unité radicale, dont sont issus les identitaires en France. Et le terme est employé par certains politiciens, notamment macroniens, et autres commentateurs politiques, c'est bien pour dénoncer le grand écart que Chouard fait. Tendant qu'il s'agit d'un adjectif épouvantail, il se pose en victime, une façon bien pratique d'évacuer toutes les critiques qu'on peut faire sur sa démarche. Mais je suis capable de parler avec un royaliste. Les royalistes du XIXe siècle, c'est des gens qui, comme Thiers n'était pas royaliste, mais il était cul et chemise avec les royalistes pour assassiner les ouvriers, tuer toute une rue d'ouvriers pour donner l'exemple aux autres. Et les royalistes de l'époque étaient des tueurs aussi, donc c'est des assassins de la commune. Je ne confonds pas ces royalistes-là avec les jeunes gens qui sont en train de devenir royalistes aujourd'hui. Je ne les confonds pas, mais il suffit de leur parler pour s'apercevoir que ce n'est pas du tout pareil, quoi. C'est des gens qui imaginent, c'est un personnage conceptuel pour eux, le roi, la religion qui va avec. Ils imaginent ce gars-là comme incorruptible presque. Donc c'est pour ça qu'ils font confiance. Bah, c'est des discussions qui vont permettre de comprendre pourquoi moi j'en ai si peur du royalisme et du roi. C'est la source de tous les abus de pouvoir, évidemment. Donc c'est super dangereux. Bonjour, la récup de l'épisode de la Commune. Et il fait comme si ce n'est pas l'attachement à la monarchie, à la religion et au roi, personnage conceptuel ou pas, qui a fait la répression de la Commune. Mais ça fait des conversations très intéressantes, ces conversations qui devraient être mises en public. La conversation entre un démocrate et un royaliste, et même un fasciste, hein. Ben oui, tiens, des tribunes publiques avec des fascistes, c'est vrai que ça manque grave par les temps qui courent, sans déconner. Oui, il faut parler aux gens, mais il y a un fossé entre ça et permettre à ce que ces idées ne cessent de se faire entendre publiquement. Des idées sur lesquelles les critiques, même parfaitement convaincantes et valides, n'ont pas de réelle prise, parce que c'est comme ça que se diffuse le fascisme. Pour l'extrême droite, un mensonge répété 10 000 fois devient vérité. Bon, je passe la suite où il tente d'invoquer Daniel Guérin, auteur de l'Anthologie de l'anarchisme, en prétendant que, comme il était communiste, marxiste et libertaire, il était les deux et voulait rapprocher ces deux courants. On nage dans le flou le plus total. Quand vous dites, donc justement, à des gens qui vous écoutent, à des jeunes qui vous écoutent sur le RIC, sur la démocratie, moi, ce sont des questions sur lesquelles je suis en total accord avec vous. Moi, je suis contre. Pour moi, la démocratie n'est que directe. Et donc, puisqu'elle ne peut pas être directe dans des conditions massives, il faut organiser, machin. Et aujourd'hui, ça n'est pas fasciste. Voilà. Non, mais, totalement. Mais malgré ça, donc des gens qui peuvent s'intéresser à votre fibre plutôt de gauche, plutôt universaliste, plutôt sur la question de la Constitution, mais qui par ailleurs peuvent être aussi séduits par certains raccourcis, par certaines idées. Aujourd'hui, c'est assez facile de sombrer dans l'antisémitisme, je trouve, via Internet, quand on est jeune, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, oui, etc. Et donc quand vous dites potentiellement à ces gens-là, parce que vous avez une audience, que Soral est un résistant, même si vous, dans votre argumentaire et dans votre dialectique, vous l'expliquez, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas les armes, et que même si ce n'est pas votre intention, vous créez de la confusion en faisant ça. On apprend que la démocratie ne peut être directe dans des conditions massives, ce qui justifierait un système basé sur les référendums, donc l'abandon de toute dimension délibérative à la prise de décision, et sur un processus d'assemblée nationale constituante. C'est un peu le fonds de commerce de Chouard, en vrai. Comme quoi il peut usurper le qualificatif d'anarchiste en ignorant tout de l'autogestion et du fédéralisme libertaire. Au-delà de ça, Matthias Enthoven met le doigt sur une question importante. Quid de l'impact que Chouard peut avoir du fait de sa notoriété quand il rend le fascisme fréquentable, ses idées réappropriables ? La chose la plus importante à signaler, c'est que je ne parle jamais de ça. Ce sont les journalistes qui me reprochent quelque chose que je ne suis pas, qui me reprochent de faire des choses que je ne fais pas, qui me reprochent un soutien qui n'existe pas, je n'en parle jamais. Il n'en parle jamais. Il prétend débattre, diffuser des idées autour d'une démocratie réelle, dénonce le système parlementariste, mais trouve cohérent et crédible de dire qu'il n'a pas à s'intéresser aux idées autoritaristes qu'on trouve à l'extrême droite. Et quand on lui pose la question, il les considère comme acceptables et même entendables. Soit il est malhonnête, soit il a des œillères qui justifieraient qu'on cesse de tendre le micro à un individu aussi nuisible à la réflexion politique. Je suis assez d'accord avec ce que dit Mathias, c'est-à-dire que vu ce que tu représentes aujourd'hui, le monde qui t'écoute sur Sud Radio, la qualité d'ailleurs des émissions que tu fais, ce regard que tu as sur le monde, moi je suis en désaccord sur le souverainisme et toutes ces genres de choses, mais c'est très important que tu t'exprimes là-dessus, ça fait que c'est quand même pas, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est quand même pas par hasard, ces gens ont tort de te traiter comme ça, mais il faut quand même s'interroger sur ce phénomène de foule, ou ce phénomène d'abattage qu'il y a contre toi, oui. Pourquoi il y a tout ça, quoi. Il me semble que j'ai une explication, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit valide, hein, parce que je ne suis pas dans la tête des gens qui disent tant de mal de moi. Il me semble que le fait que je sois un bisu en politique fait que je n'ai pas d'habitude et que je sois candidat à rien. Donc que je ne me sois jamais préparé à gagner une bataille politicienne, c'est-à-dire où on gagne une élection, et celui qui gagne une élection, il faut qu'il ait battu tous les autres. Le fait que je ne me sois jamais formé dans ce contexte-là, et que les gens qui, au contraire, disent tant de mal de moi, eux se battent, et d'ailleurs ils ont du mérite à ça, hein, parce que ils se battaient pendant que moi je ne faisais rien, mais ils se battent dans un cadre qui est le cadre de l'élection, dans lequel il faut gagner une élection, donc il faut des partis pour pousser les candidats, et ça conduit à avoir un esprit partisan. – Là, au début de l'extrait, on voit bien la connivence et la brosse à reluire que Denis Robert passe à Chouard. Il prétend encore être un bisu en politique. Après 15 ans de militantisme, alors qu'il est à la tête d'un mouvement politique appelé très sérieusement, les gentivirus, et qui revendique de faire de l'entrisme, cela dit en passant, sa non-participation aux élections et au système partidaire traditionnel ferait qu'il est largué sur les codes politiciens, qu'il est ostracisé par les requins des partis classiques. Il oublie au passage que les antifascistes radicaux qui ont fait pression pour qu'il ne bénéficie pas de cette tribune dans le média ne s'inscrivent pas dans ce cadre non plus. On y reviendra dans l'épilogue où on tentera de répondre à la question « Chouard est-il vraiment une oie blanche née de la dernière pluie ?» Je ne me situe pas du tout au niveau législatif. Au niveau législatif, je suis à gauche, c'est-à-dire que moi, le programme qui est le plus proche, mais de très très loin, c'est la coïncidence, elle est sur tous les points, sauf l'Union européenne, c'est le programme de la France insoumise. Ah ben merde, je croyais qu'il était anarchiste. La France insoumise, en la matière, on a quand même fait mieux. Et puis, il ne se situe pas au niveau législatif, mais au niveau législatif, il se situe proche de la France insoumise. Allez comprendre. Et c'est bien, il a aussi des idées qu'il ne tire pas des soraliens au final. C'est pas, ma bagarre, elle n'est pas là, elle n'est pas au niveau législatif, elle n'est pas sur qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes de loi. Moi, depuis 2005, depuis l'été 2005, je me suis hissé au niveau constituant, c'est-à-dire que je cherche à imaginer des institutions qui permettent tout le monde, les riches, les pauvres, le peuple et les ennemis du peuple, tout le monde, la société tout entière, qui permettent de vivre de façon pacifiée sans que ce soit les riches qui dirigent les pauvres de façon aussi cruelle que depuis 200 ans. Donc j'essaie d'imaginer un système d'institutions sur lesquelles tout le monde tombe d'accord. Alors, je sais bien que le 1 pour 1000 qui dirige, il ne sera pas d'accord, je n'ai pas besoin de son accord à lui. Je sais bien probablement les ultra-autoritaires, ils ne seront pas d'accord, mais je n'ai pas besoin d'eux, parce qu'il me semble que la quasi-totalité du corps social, gauche et droite, même les tradis, hein, ils ont intérêt à instituer une puissance populaire pour ensuite, après avoir institué une puissance populaire, loi par loi, décider, en se comptant, voter, et voter, pas élire, voter sur les sujets de société. Ah, on aborde le fond de son programme politique. Il veut donc former une assemblée constituante tirée au sort, de laquelle émanera une nouvelle constitution permettant de voter, loi par loi, par référendum surtout. Parce que bon, il paraît que la démocratie directe, de façon massive, l'auto-organisation, l'autogestion et le fédéralisme libertaire, ça n'existe pas, on s'en souvient. Tiens, s'il avait fait autre chose que mal comprendre Daniel Guérin, l'anarchisme, le marxisme et à peu près tout le reste, il aurait pu connaître cette situation toute bête de Louise Michel. Le pouvoir est maudit, c'est pour cela que je suis anarchiste. il aurait pu réaliser que des citoyens, pris dans quel ensemble social d'ailleurs, hissés au rang de faiseurs de lois et de référendums, sont plus que susceptibles de se constituer en nouvelle nomenclatura ou nouvelle bureaucratie qui continuerait à déposséder les opprimés de leur pouvoir de décision. Qu'un référendum est toujours imposé par le haut et qu'il ampute un processus de décision collective de tout ce qui concerne la délibération, de toute recherche de consensus, pour recréer des majorités victorieuses face à des minorités sans droit. Son projet de société, qui selon lui ne conviendrait pas au 1 pour 1000, prévoit-il d'abolir le salariat et les classes sociales ? Que les capitalistes n'aient plus leur pouvoir de nuisance politique issu de leur pouvoir économique ? Niet. Voit-il le problème à intégrer dans cet ensemble et à vouloir un consensus qu'on devine très souverainiste et très national, les idées les plus réactionnaires ? Niet. Son idéal démocratique vaut aussi bien que la démocratie athénienne fantasmée, par des personnes qui oublient qu'elle n'était que l'outil de domination d'une minorité privilégiée sur une immense majorité totalement privée de droits parce que étrangère, esclave ou femme. Mais est-il seulement possible d'arriver à son utopie absurde ? Apparemment, il compte lutter aux côtés de l'extrême droite antiparlementariste pour aboutir à son assemblée constituante. Comme s'il n'allait pas se faire manger bien avant ça par ses alliés de circonstance, qui auront vite fait de tuer ses délires dans l'œuf, à coups de milices, de pouvoir plus autoritaire que jamais et de répression des minorités déviantes. Si tu veux, pour bâtir cet objet conceptuel qui est un objet de lutte sociale, je suis complètement dans la lutte des classes. Les antifas me font le reproche de pas reconnaître la lutte des classes, mais c'est une blague. Je suis en train de donner à la classe la plus nombreuse, au peuple, l'arme. Enfin, il me semble, c'est ça que j'essaie de faire, c'est peut-être présomptueux de le dire comme ça, mais l'arme qui va enfin lui permettre de se bagarrer dans la lutte des classes beaucoup mieux que jusqu'ici. Si tu veux, dans ce combat-là constituant, je ne suis pas du tout dans la bagarre gauche-droite, là. Je suis dans une bagarre où je parle à tous les humains, absolument tous les humains. Alors, encore une fois, la classe la plus nombreuse n'est pas le peuple, qui est, sous nos latitudes, un concept interclassiste et nationaliste qui inclut le petit patronat, les contremaîtres, les flics et autres collabos de classe. La classe opprimée par le capitalisme, c'est le prolétariat, c'est-à-dire les jeunes scolarisés, les travailleurs et travailleuses qui ne possèdent pas leur outil de travail, les chômeurs et chômeuses, les retraités, les exilés. Les armes qui permettent à cette classe laborieuse de se bagarrer dans la lutte des classes, ce ne sont pas une nouvelle assemblée de politiciens ou des référendums, un système bâti avec les réactionnaires et les fascistes. Ce sont l'autogestion, l'action directe, la construction d'alternatives et le sabotage de la machine capitaliste. La lutte des classes, c'est la bagarre gauche-droite. Pas question de réfléchir avec tous les humains si certains d'entre eux veulent conserver leurs privilèges et exclure d'autres êtres humains. Justement, il y a un truc qui m'interpelle avec vous, c'est que oui, pardon, mais parce que parfois, en fait, quand vous revendiquez, en fait, vous parlez des idées que vous prenez à l'extrême droite, parfois, ou vous avez pu prendre à l'extrême droite ou à la droite dure dans le cadre du TCE, etc. Ce que vous me racontiez sur votre travail, bien sûr. Des façons de critiquer, mais en fait, moi, mon point de vue, c'est que ces points de vue, en réalité, c'est-à-dire le point de vue de l'extrême droite ou le point de vue de l'extrême gauche, s'opposent totalement. Leur projet de société s'oppose complètement. S'oppose totalement. Complètement. Et donc le fait de les lier d'une manière ou d'une autre, encore une fois, peut créer de la confusion, peut chez des gens se dire, en réalité c'est pareil, etc. Notamment chez des jeunes esprits qui n'ont pas la culture et le patrimoine culturel et politique pour comprendre quelles sont les limites, etc. Mathias, justement, mais vraiment là il y a un point important. Les jeunes gens qui sont en train de se former, qui débarquent, un peu comme moi, j'ai débarqué en 2005. J'étais un vieux, mais j'étais jeune en politique, je ne connaissais rien. Ces gens-là, à mon avis, il faut leur donner le spectacle des possibles, le spectacle de la mise en scène des conflits. Il faut leur montrer quelles sont les thèses en présence. Il faut leur présenter honnêtement. Et il faut gagner le combat à la loyale en démontrant la dangerosité, la dégueulasserie des idées qu'on combat. Tu ne peux pas te contenter de dire « ça, c'est dégueulasse », tu ne lis même pas, sinon tu deviens toi-même un dégueulasse. Ça ne tient pas. Ça tient peut-être entre professionnels qui connaissent le sujet, le spectacle de la politique, il est fait pour tout le monde, y compris des gens qui débarquent, qui ne connaissent rien et qui ont besoin de voir produite la démonstration de la dangerosité. Alors, prenons le racisme. Le racisme, il devrait être, à mon avis, quotidiennement défendu et démonté pour que les jeunes gens, les tout jeunes gens… – Défendus, les, c'est-à-dire c'est-à-dire que ceux qui sont racistes puissent dire pourquoi ils sont racistes, et que soit démontrée la sottise, la dangerosité, la dégueulasserie de cette pensée, publiquement, pour que les jeunes gens qui ont vu ça à la télé, qui aient vu ce combat, ils soient armés intellectuellement pour ensuite, quand ils sont dans la cour de l'immeuble, quand ils voient arriver une idée raciste, ils ont les éléments pour résister. La mise en scène des conflits. Mais oui, c'est précisément ça le problème. Le fascisme a besoin de ce spectacle. Les tenants de la thèse du grand remplacement ne sont aucunement dérangés par les évidences qui mettent à mal leur délire. Ils ne font qu'en profiter pour inonder l'espace public de leurs thèses qui finissent par tout imprégner, de leurs problématiques et de leurs solutions. Autre exemple, que nous apportent des débats qui invitent à se demander si l'homosexualité est un choix ou non, si elle est explicable biologiquement ou non. Pendant ce temps, cherchons à comprendre et à amener le débat sur le pourquoi du comment de l'homophobie. Pour reprendre une image que je trouve pertinente et un peu marrante, le raciste, c'est un peu comme un pigeon qui joue aux échecs. Tu as beau être très fort ou très forte aux échecs, il arrive, il renverse les pièces, il chie sur l'échiquier et s'en va avec l'air supérieur comme s'il avait gagné. Personne ne veut interdire ou empêcher qui que ce soit de prendre connaissance des discours réactionnaires. Mais sans un minimum d'analyse politique, sans une autre éducation et je dirais même en dehors d'une autre société, cela ne sert à rien de bon. Parce que le racisme, par exemple, ce n'est pas que des discours, c'est aussi un système. Mais oui, parlons de comment fonctionne le racisme. Mais pour ça, pas la peine de se coltiner à longueur d'année des discours racistes. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz ? Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là ? Oui, non, mais… C'est pas mon sujet, j'y connais rien, non, moi. – D'accord, mais non, tu peux pas répondre « j'y connais rien ». – Mais pourquoi je peux… Mais bien sûr que si. Alors, je vais te dire « oui, j'ai aucun doute ». Voilà, j'ai aucun doute, j'y connais rien. Je te dis juste, je vais te dire « oui, j'ai aucun doute », parce que sinon, je suis un criminel de la pensée. Il y a un truc déconnant, là, tu vois, parce qu'on demande aux gens, on demande aux gens d'être sûrs, d'avoir une certitude sur un sujet qu'ils ne connaissent pas. – Non, mais le négationnisme, c'est pas une opinion. Moi, je suis pour qu'ils s'expriment. Mais tu peux pas… c'est pas que tu es un criminel, c'est que à ton niveau… – Non, mais Étienne, à ton niveau de popularité, avec ce que tu fais, avec les procès en sorcellerie qu'on te fait, tu peux me répondre ce que tu me réponds. On est en train de dialoguer. Mais c'est quand même dingue que tu dises que tu… Je trouve ça dingue que tu dises que tu ne sais pas et que tu ne t'es pas… Tu n'as pas pris le temps de te renseigner depuis, de lire… – Sur ma gaz, c'est absolument pas mon sujet. Je n'ai pas pris le temps du tout. Oui, je n'ai pas pris le temps du tout de travailler sur le sujet. – C'est tout ça qui t'est reproché. – Sur les sur ma gaz, mais pas du tout. – Mais non, mais on te dit de le confusionnisme. – On va jamais parler de ça. – Mais si. – On me reproche à moi de faire quoi ? De douter des chambres à gaz ?– Mais non, de donner la parole, de dire que les négationnistes sont des… Comment dire ? Que eux peuvent s'exprimer… Le confusionnisme, c'est ça, c'est ce qu'on te reproche. Donc à un moment donné, il faut que tu… Sur ces questions-là, il faut que tu sois d'une grande intransigeance et d'une grande clarté. Que je dise quoi ? Que je dise les chambres à gaz ont existé de façon tranchée, non ambiguë ? Non mais juste, enfin, juste je peux le dire si vous voulez. Mais rendez-vous compte du truc. Vous parliez notamment du travail des historiens qui doit être fait, etc. Pour les chambres à gaz, c'est incontestable qu'il y a eu un travail historique qui a été fait, qui aujourd'hui fait que sans vous pencher sur… Moi, j'ai vu Nuit et brouillard quand j'étais au lycée. J'ai étudié l'histoire un tout petit peu pendant mes études, et ensuite je me suis un tout petit peu renseigné, je suis absolument pas un expert de la Shoah, j'ai regardé l'extermination des Juifs de France de William Carell, qui a fait une série de documentaires qui était très intéressante, mais je veux dire, je suis pas un expert. Non mais j'entends, mais si vous préférez, j'ai pas besoin d'avoir lu des ouvrages scientifiques pour vous dire que la Terre est ronde, on est d'accord ? Oui. Ben voilà, j'ai pas besoin d'avoir lu 50 ouvrages scientifiques pour affirmer que des chambres à gaz existaient. Et c'est là-dessus que je trouve que vous êtes pas clair. Voilà un extrait qui a fait couler pas mal d'encre depuis la diffusion de l'interview. Encore une fois, Chouard se fait passer pour une victime d'une prétendue pensée unique et se pose en potentiel criminel de la pensée. Denis Robert va très maladroitement dans son sens en parlant de procès en sorcellerie. On est là en plein dans un fonctionnement complotiste anti-scientifique. Peu importe les preuves et témoignages, extrêmement nombreux, peu importe un consensus scientifique écrasant, il estime que si lui n'y était pas, il est légitime de douter de ça et en somme potentiellement de tout et n'importe quoi. L'exemple de la Terre plate est en la matière très bien choisi. Il prétend encore une fois que ce n'est pas son sujet, mais la démocratie, l'oppression et l'extermination de minorités, l'autoritarisme, le capitalisme, etc., tout cela est lié. Il s'offusque qu'on lui reproche de douter des chambres à gaz, Mais oui, c'est ce qu'il fait. Il dit qu'il ne sait pas. C'est précisément ça, douter de quelque chose. Bon, bah, la chambre à gaz existait, mais bon, Enfin, on a l'impression d'être un procureur, là. C'est pas le but. Le but, c'est de dialoguer. Un petit peu, oui, c'est vrai. Non, mais sans vous en rendre compte, hein, parce que. Oui, mais c'est parce c'est comme que. C'est... Moi, je pense à 1984 et au crime de la pensée. Oui, mais alors. Là, je vois. On sait peut-être pas ça, l'objectif, mais ça me fait penser à ça. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a. Orwell avait repéré dans la description qu'il faisait du monde totalitaire soviétique et qui s'adapte magnifiquement bien au monde. De nombreux aspects du monde actuel qui est en train de devenir d'une certaine façon totalitaire, il décrivait la nécessité pour Big Brother, la nécessité pour quelqu'un qui veut dominer la société, de n'avoir que des oppositions contrôlées, des oppositions dont il n'a rien à craindre, et de définir des crimes de la pensée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, et c'est Big Brother qui décide. Ah non, pas 1984 et Orwell. C'est le mode de défense favori de l'extrême droite. Bien sûr, ce genre d'individu ne bronche pas quand un rappeur se fait poursuivre pénalement pour avoir dit « Nique la France ». Mais insurgez-vous contre des propos négationnistes et tout de suite, ça crie au crime de la pensée et au totalitarisme. Et pourtant, enfin, excusez-moi, mais enfin, je vois ça probablement d'un autre point de vue que vous. Il y a quelque chose qui m'échappe quand même. Il faudrait que je creuse le sujet. Mais si... cette histoire de chambre à gaz ou négationnisme, je ne sais pas si négationnisme ne concerne que les chambres à gaz. Si c'est si grave d'en douter, est-ce qu'il ne suffit pas de produire la démonstration contre ceux qui nient? Et puis, comme pour le racisme, on a fait la démonstration et puis voilà, on passe à autre chose. Pourquoi est-ce qu'il faut discréditer les gens, tu vois, sans avoir à produire la démonstration? Tu vas me dire la démonstration a déjà été faite 1000 fois, c'est ça sur le... Oui, elle a été faite 1000 fois, et ça n'empêche apparemment pas les sinistres individus dans ton genre de venir déballer leurs doutes de merde publiquement. Ouais, c'est ça, creuse le sujet, il est temps. Non mais c'est pas d'accord, je pense que la loi Guizot est une erreur qu'il fallait pas. Bah oui, non mais parce qu'il y a deux choses. Donc déjà, quand vous dites que vous ne voyez pas que la haine des juifs n'existerait pas selon vous… C'est une exagération pour dire que c'est marginal. D'accord, c'est mais vous êtes d'accord avec le fait que la haine des juifs existe, qu'elle est réelle… Je pense qu'il y en a pas tant que ça. Oui mais en revanche, il y en a. Et encore une fois, le fait de dire qu'il n'y en a pas… C'est mal dit ça. Le fait de dire qu'il n'y en a pas est un problème. Ça c'est vrai, je suis d'accord. Vous admettez que c'est… Oui, tout à fait, c'est mal dit. Mais c'est vrai. C'était factuellement faux. C'est vrai, j'aurais dû dire, c'est marginal, quoi. C'est pas si important que ça. L'indécence. Pas si important que ça. Va donc en causer aux familles juives qui subissent les agressions, celles dont un proche a été assassiné par des antisémites. C'est marginal? Trop marginal? C'est pour ça que tu offres une légitimité à une crapule comme Soral? Mais vous auriez très bien pu dire à la personne qui vous demande de parler de Soral, mais j'ai pas envie de parler de Soral, c'est pas mon sujet. Vous avez choisi de dire que c'était un résistant. Vous pourriez dire, je ne souhaite pas parler de la question de l'antisémitisme, ce n'est pas mon sujet, ni de Forisson, ce n'est pas mon sujet, je suis vraiment là pour parler de la question de la constituante, etc. Et pourtant, il y a des moments où vous faites des choix, et donc je termine juste là-dessus, dans vos réponses, vous utilisez, et vous faites le choix de répondre à des trucs qui font qu'à la fin, moi ce que je vois, et je ne dis pas que c'est volontaire, mais je vois qu'en fait, en réalité, en ayant le positionnement que vous avez, vous vous adressez davantage à tout le monde, en incluant plutôt l'extrême droite. – Tous les êtres humains. – Oui, mais que comme vous avez ces positions-là, en réalité, vous ne fermez pas la porte à l'extrême droite, je ne dis pas que c'est volontaire ou malveillant, mais vous la fermez plutôt à l'extrême gauche, parce que justement, il y a des discours qui ne passent pas sur la question de l'antiracisme, etc. – Mais ce n'est pas ma faute, c'est la faute de la gauche qui n'est pas capable d'imaginer que les gens qu'elle déteste à l'extrême droite sont des êtres humains. Il y a la droite et l'extrême droite, parce que la droite, c'est pareil. Hein. Les gens qui sont la manif pour tous, je ne sais pas si on les considère comme droite ou d'extrême droite, mais quand je vois le mépris avec lequel les gens de gauche les traitent, alors que c'est des êtres humains, il y a un débat, il y a un choix de société à faire là-dessus, sur la manif pour tous, sur tous ces sujets qui sont ultra clivants entre la gauche et la droite, mais qui ne sont pas la lutte des classes, qui ne sont pas la lutte des pauvres contre les riches, hein, des riches contre les pauvres. Tous ces sujets-là, c'est des sujets de société, il faudrait en débattre de façon plus apaisée, et puis après avoir bien vu des arguments, trancher par référendum sur chacun des sujets et arrêter de considérer que c'est des sous-hommes. Il y a un sectarisme à gauche qui n'y a pas à droite. Hein. J'ai l'impression que les gens de droite sont comme s'ils étaient plus forts, plus sûrs de leurs convictions, tu vois, être capables d'aller discuter avec des gens de gauche sans être sûrs d'y perdre leur âme. Alors qu'il y a des gens de gauche, pas tous, hein, moi je suis gauche et je n'ai pas peur de ça, mais il y a des gens de gauche qui ont peur d'aller discuter avec les gens de droite comme s'ils allaient devenir impurs. Moi je suis de gauche et je n'ai pas peur de ça. Il y a une partie de cette affirmation qui est mensongère, je vous laisse trouver laquelle. Bon, ok, selon lui, il y a trop de mépris pour la manif pour tous. Ah ben, voilà un point commun avec Macron, et pas des moindres. La question du mariage pour tous et des droits des homosexuels ne relève pas de la lutte des classes ? Peut-être, encore que ça se discute. Mais on en parle de l'oppression des minorités de genre et sexuelles ? Et la manif pour tous, elle considère tout le monde comme des êtres humains susceptibles de jouir des mêmes droits que tout un chacun ? Il n'y a rien du tout à trancher par référendum. Un système qui accepterait de priver de droits une partie de la population, par référendum ou non, très peu pour moi. On reste dans un système oppressif. Quelque part, c'est cohérent avec cette volonté de composer avec les fascistes. Il oublie juste qu'accepter certaines personnes, c'est presque toujours n'avoir aucun problème à en rejeter d'autres. Les gens de droite ne sont pas plus sûrs de leurs convictions. Ils ont juste tout intérêt à imposer leur débat moisi partout. Mais quelque chose de raciste, tu vois, impur, c'est des mots qu'ils utilisent même, hein, les antifas. Ça ressemble à la façon de voir la société comme des castes. Alors là, c'est carrément la fête du slip. Il ne cesse de répéter que le racisme, l'antisémitisme, tout ça, ce n'est pas son sujet. Mais maintenant, les antifascistes seraient racistes, partisans d'un système de caste et parleraient de démarches impures. J'avoue, ça laisse pantois. Et quand des gens de base de gauche me font venir, les écolos ou les gens du Front de Gauche ou de la France Insoumise, là, les antifas viennent pour les intimider. Yanis, là, il dit de moi que je suis une passerelle vers l'extrême droite, comme si des gens de gauche allaient devenir fascistes. Enfin, je ne vois pas par quel mécanisme quelqu'un de gauche deviendrait fasciste. Je ne vois pas par quel mécanisme. Mais par contre, je vois bien. Quelqu'un de gauche, juste un jeune gauche, esprit en formation. Un jeune esprit en formation. Alors oui, un jeune esprit en formation, c'est possible. Mais je vois aussi, Mathias, par quelle passerelle des gens qui étaient en train de se diriger à droite, j'ai toujours Daniel Guérin dans la tête, hein, vont revenir à gauche. Mais ça m'intéresse d'avoir votre... Mathias, je n'exagère pas. Je pense que ça, c'est arrivé plein de fois. Par quel mécanisme ? Mais à cause de confus dans ton genre. Si on arrive à détourner des gens du fascisme, ce n'est pas parce que des uluberlus présentent les fascistes comme des résistants au système politique en place et comme une force politique potentiellement alliée. C'est au contraire grâce à la conscience d'une unité de classe dépassant les frontières, hors de tout souverainisme nauséabond, c'est du fait de la mise en évidence des systèmes d'oppression. Enfin, si tu veux, je ne suis pas candidat à décider. Je ne suis pas un décideur. Je réfléchis à une façon d'organiser la société qui va permettre au peuple lui-même de décider. Après ça, ce que le peuple va décider, je sais bien qu'il ne va, va pas tout décider dans mon sens. – On ne dit pas ce qu'il y aura dans la constituante alors que le peuple doit être constituant, donc on est d'accord. – Ni dans la constituante, ni dans les lois que le peuple va ensuite voter. Et sûrement, il va faire des conneries. Il va peut-être rétablir la peine de mort. Et ça, ce serait vraiment une connerie. Mais en même temps, il va, en exerçant, en y travaillant, en voyant le résultat, il va peut-être revenir ensuite en s'apercevant qu'il s'est trompé, tu vois. C'est intéressant parce qu'il y a des moments où on a l'impression que vous voudriez que l'être humain soit comme vous le voulez et pas tel qu'il est. Et il y a des moments où vous partez du principe que l'être humain n'est pas tel qu'il voudrait qu'on ait et qu'il faut faire avec sa complexité. Mais je trouve que. Mais je pense que quand l'humain discute, quand les humains discutent entre eux, honnêtement, avec des institutions qui les obligent à s'écouter mutuellement, ils se bénéficient. Ce n'est pas parfait, le groupe va continuer à se tromper, mais la meilleure façon de ne pas se tromper, c'est de prendre le temps de discuter, de mettre en scène les conflits. Ben voyons, refaisons toutes les erreurs possibles de l'histoire. Refaisons la peine de mort, la société du spectacle appliquée à la politique, l'exclusion du champ politique des minorités, la bureaucratie. Oui, on peut se tromper, expérimenter collectivement. Mais le système proposé par Chouard et la stratégie qu'il envisage pour le mettre en place sont un retour en arrière, un projet réactionnaire. Pour ma part, je proposerais bien quelque chose qu'on expérimente dans des groupes et organisations autogestionnaires depuis un siècle et demi, qui n'a cessé d'évoluer, un principe politique plus qu'un système, le seul qui se donne réellement les moyens d'intégrer tout le monde. Voilà, on touche à la fin de l'analyse de cet entretien du Média avec Étienne Chouard. Ça ne s'entend peut-être pas dans les extraits que j'ai sélectionnés, mais ce dernier a vraiment réussi son entreprise de victimisation, avec un air tout penaud, presque touchant à la fin. Surtout quand il évoque Yuluntas qui s'est détourné de lui après avoir pris conscience de la nocivité de l'individu. Quelques jours après l'entretien, nouveau rétropédalage à l'antenne de Sud Radio où il est chroniqueur. Il y dit qu'il s'agit d'un énorme malentendu, qu'il a fait une énorme connerie. Ses explications sont juste sidérantes. Il y retombe dans des explications floues et peu convaincantes. En parlant de Sud Radio, sa chronique hebdomadaire y est suspendue « pour quelque temps », entre guillemets. L'Union des étudiants juifs de France a pour sa part annoncé le dépôt d'une plainte pour négationnisme. Sur la page Facebook de Chouard, il dit aussi avoir dû supprimer deux posts qui avaient reçu un grand nombre de commentaires négationnistes. Ben ouais, c'est à ça qu'il sert après tout. Offrir une tribune aux fascistes. Et ça marche. Sont ses partisans qui inondent les réseaux sociaux de commentaires le soutenant ou dénigrant le média qui se serait rendu coupable d'une sorte de procès stalinien. Victimisation encore. Voir est-il un grand naïf, l'idiot utile des soraliens, resté très peu informé malgré 15 ans de militantisme en tant que représentant d'un mouvement politique? En creusant un peu, je suis tombé sur un post Facebook de Yanis Yoluntas, encore lui, daté du 16 avril 2015, où il retransmet des confidences d'un ancien proche de Chouard. Et bien entendu, à prendre avec des pincettes, on ne peut jamais exclure une vengeance. Mais voici ce qu'il dit. Je paraphrase. Chouard est en fait loin d'être un naïf, c'est bien plutôt un manipulateur. Beaucoup plus près des idées de Soral qu'il ne le laisse paraître, notamment sur le complotisme délirant et l'antisémitisme maladif. Dans son mouvement, les gentils virus, il est entouré de gens malsains et sectaires aux pratiques douteuses. Un certain nombre de ses militants sont également à égalité et réconciliation et peuvent ainsi mettre en commun des éléments de polémique et des arguments contre les antifascistes. D'autres sont des experts en informatique et en trollage spécialisés dans le harcèlement des personnes trop critiques. On a d'ailleurs pu les voir à l'œuvre depuis l'interview aux médias ce 10 juin. Contrairement aux airs qu'ils se donnent, ils ne cessent de jouer un jeu politicien avec une logique partisane et une stratégie d'infiltration très active, notamment à l'UPR, Nouvelle Donne, chez les Colibris, etc. Ils ne supportent par ailleurs pas d'avoir été rembarrés par le Front de Gauche en 2012, lorsque ce mouvement l'avait décommandé d'une projection après avoir découvert les liens sur son blog vers les sites d'Égalité et Réconciliation et vers le site du réseau Voltaire de Thierry Messant, qui est un complotiste antisémite proche des régimes iraniens et syriens. Il mènerait depuis une entreprise de vengeance visée à saper les activités du Front de Gauche. Voilà, c'est ce que dit ce témoignage et j'en passe et des meilleurs. S'il était encore possible d'avoir des hésitations, Étienne Chouard nous a montré qu'on ne pouvait décidément plus douter du rôle qu'il joue. Infiltration de la gauche, entreprise de contamination par les thématiques d'extrême droite et de dédiabolisation de celle-ci, récupération tous azimuts, victimisation. Il est à la fois une cause et un symptôme d'une perte grandissante de repères politiques qui, définitivement, fait le jeu du fascisme. En tant qu'antifasciste, que militante anticapitaliste, antiraciste et contre toutes les oppressions, il faut rester vigilant et vigilante face aux confusionnistes et ne pas négliger leur pouvoir de nuisance.